A2, j'ai, je n'ai pas. Avez-vous? عندي, ما عندي, هل عندكم? Écoutez et répétez. J'ai une voiture. عندي سيارة. J'ai une voiture française. عندي سيارة فرنسية. J'ai un nouveau bureau. عندي مكتب جديد. J'ai un frère et une sœur. عندي أخ وأخت. Nous avons deux enfants. عندنا ولدان. Nous avons un garçon et une fille. عندنا صبي وبنت. Nous avons une petite maison. عندنا بيت صغير. Nous avons assez de temps. عندنا وقت كافي. Je n'ai pas une grande famille. ما عندي عائلة كبيرة. Je n'ai pas une grande maison. ما عندي بيت كبير. Je n'ai pas de temps. ما عندي وقت. Avez-vous des enfants? هل عندكم أولاد؟ Avez-vous mon adresse? هل عندكم عنواني؟ Avez-vous de la monnaie, Leïla? هل عندك صرافة يا ليلى؟ Avez-vous un travail intéressant, Sami? هل عندك عمل شيق يا سامي؟ Avez-vous des journaux français, madame? هل عندك جرائد فرنسية يا سيدة؟